Bienvenue sur France Inter, il est 17h08, Alex Vizorek, bonjour. Bonjour, comptez-vous. Bonjour Charline. Bonjour Delphine. Je voulais voir comment ça faisait de le dire comme ça, ça fait du bien. Hein. Je suis content. Bien. Alors écoutez Delphine, j'ai annulé le spa que vous aviez réservé en face de la maison de la radio pour que vous puissiez nous écouter. Je suis désolée. Voilà. J'arrive avec mon carnet de blagues alors. Je pense que c'est plus camarade, plus esprit d'entreprise. Absolument. Voilà. On fête toujours Noël ensemble demain hein, Charline. Oui, d'accord, promis, on sera là. Merci Delphine pour ces informations. Prochain point sur l'information à 17h17. Comme tous les jours. Avec le journal, bien presque sûr. Presque 17h17. Et écoutez comment nous avons préparé avec le plus grand sérieux cette émission. Salut les amis. Salut Charlie. Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? On prépare Noël. Ça va, je vois. Mais enfin, Frédéric Sigrist, on t'a engagé pour écrire des blagues, pas pour accrocher des boules. Ouais, faut bien monter le sapin, après on prépare la crèche. Je ferais pas mieux de préparer l'émission. Mais hein. C'est aussi, mais c'est important l'esprit de Noël. Très vous important. Savez qui est l'invité au moins? Noël. Ah non, il est mort. Noël ma mère. Mais non plus. Non, on reçoit Yves Bigot. Bigot, avec un nom pareil, il sera hyper content de voir la crèche dans le studio. Ah, c'est le directeur de TV5 Monde. Et il a aussi été directeur de la RTBF. Oh. Oh. Le gars s'est formé en Belgique avant de s'occuper d'international. Ouais. Comme Salah Abdeslam. Bon, est-ce qu'on a les sujets là? Il y a le décès de Madame Claude. Ah, non, oui. Écoutez, moi j'ai un sujet sur la diplomatie France-Afrique, ça me semble plus pointu. Et puis il y a Balthazar dans la crèche, il aura un avis là-dessus. Est-ce que vous avez une idée de sujet 2? Bah, il y a Madame Claude. Voilà, moi j'ai vu un truc sur le rock'n'roll, c'est le domaine de prédilection de l'invité. Oui, quand même, hein. Oui, ça nous éloigne un peu de la magie de Noël. Oui, hein. Et en sujet 3, des idées? Bah, non. Alors vous savez quoi? Je pensais revenir sur le décès de Madame Claude. Mais bon, voilà, j'ai trouvé les trois sujets. Donc vous êtes pas au taquet, les gars. Mais ça pour mettre des guirlandes à l'arbre, il y a du monde, mais. Puis après, la seule flèche de ce bureau, c'est au-dessus du sapin. Hein, en 2016, faut se reprendre, les gars. Bon, allez, terminez-moi cette crèche et je m'occupe du sapin, moi. La mauvaise foi. Mais Madame Claude, on l'avait dit. On l'a dit deux fois. Elle n'écoute pas les autres, tu vois, c'est ça le problème. C'est le problème, elle n'écoute pas les autres. Elle n'écoute pas les autres, mais en tout cas, elle les entend. Non, mais on parlait pas de toi, Si ça tombe, le patron de TV5, il va engager Charline et on en sera débarrassé. Bon, bah, ça m'étonnerait, hein. Pour travailler sur TV5, il faut une grande ouverture d'esprit. Aïe, ma tête. Oh, elle a cassé ma boule. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui met le petit Jésus dans la crèche. Et voici les trois informations qui vont finir sur la paille jusqu'à 18h. La politique africaine de François Hollande, c'est d'être chef de guerre. Un nouvel ouvrage décrit ce profil du chef de l'État. L'aide au développement a baissé, mais celle des militaires sur place a augmenté. Liberté ! Ah ! Égalité ! Ah ! Est-ce que l'état d'urgence ne serait pas bénéfique au moins pour un truc? Le rock, que le rock français se réveille un peu, qu'il s'engage. Y a plus de rock, y a plus de rocker, y a plus de rocker. Il reste qui? Johnny, c'est pas Talon Giro là, ou je sais pas quoi. Eddie Mitchell, s'il t'appelle, faudra lui dire. On lui dira. Madame Claude n'est plus Madame Claude, la mère maquerelle qui a servi tout le quota des années 60 et 70. Elle a droit à un enterrement de première classe dans la presse. Autant de bienveillance pour une proxo, c'est étonnant. Qu'en pensent les professionnels? La prostitution est une usine que nous pouvons gérer nous-mêmes, puisque les machines, c'est nous! Et je suis accompagnée de celui qui chauffe plus vite qu'un diesel pour conduire l'actu dans le mur, c'est Alex Vizorek. Un diesel Volkswagen, Charline, bonjour. Et aujourd'hui, autour de la table, une belle équipe et une petite surprise. À 17h20, le Père Noël arménien qui nous apporte son lot de cadeaux musicaux. Mais surtout, notre Père Noël arménien est hot, très hot, au point que la Mère Noël a tellement de cornes qu'on la confond avec un renne. Bonjour André Manoukian. Bonjour Alex, bonjour Charline, quel dommage. Je vous ai écouté hier sur Guillaume, sur l'orgasme et tout. Oui. Quel dommage que je j'aurais dû vous appeler en fait. Oui. Et le thème du jour, allez, sinon? Ce soir, c'est la plus belle découverte musicale que j'ai fait cette année. Il s'appelle Blik Bassi. C'est un chanteur camerounais et avec lui, le blues est revenu à la maison. À la maison, ça veut dire en Afrique. Très bien, à 17h30, lui, ce serait plutôt le Père Fouettard. Si vous avez été méchant cette année, vous aurez la chance de répondre aux questions de Guillaume Meurice qui vous claquera ses questions tel un martinet verbal. Comment allez-vous, Guillaume? Mais ça va très bien. Après bonjour. Cet orgasme, tout va bien? Tout va bien, tout va bien. Je suis reposé, je suis détendu. Et je me suis rendu ce matin à l'événement Charletti sur neige. L'occasion, et ça existe, hein, l'occasion pour tout le monde d'accéder en plein Paris aux sports d'hiver. C'est des sports d'été. Oui, c'est vrai qu'il fait 20 degrés, hein, donc ce sera des sports d'été. Et à 17h40, nous aurons la présence exceptionnelle d'un scénariste. Et s'il vient pour essayer de trouver le fil conducteur de cette émission, il risque de s'enfuir rapidement. Bonjour Thomas Bideguin. Bonjour. Bonjour. Alors, de quoi vous allez nous parler? Je viens vous parler un petit peu de storytelling et puis de cette figure narrative qu'on voit fleurir un peu partout, le comeback. Le comeback. Allez, si tu écoutes, j'annule tout, est présent dans un monde virtuel, sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire. Aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous René Coty. Ça fait vintage comme ça, mais c'est pas si loin. Vous commencez par ouvrir un magasin de disques en 72, l'année où David Bowie devient Ziggy Stardust. Après avoir été directeur des programmes à France 2, vous entrez au même poste à France 4 en 2005, l'année du lancement de la TNT et de YouTube. Vous êtes nommé directeur général de TV5 Monde en 2013, c'est l'année où la France intervient au Mali. Vous avez une nez creux. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Vous êtes qui? Oh, le suspect. Mais je suis qui vous voudrez, Charline. Mick Jagger est avec David nous. David Bowie est avec nous. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Welcome David, how are you? So long from Ziggy Stardust. Oui, buy my new record, Black Star. Everything all right for the moment in the rock. Not too bad, what about you, la matla? How are you, yo de poil? Yves Bigot est avec nous, directeur de TV5 Monde et spécialiste du rock. Alors, votre marque, quand vous êtes arrivé à TV5 Monde, c'est d'avoir notamment instauré un grand journal francophone qui s'appelle le 64 Minutes. Le Monde en français, ouais, le premier JT francophone au monde quotidien. Voilà, alors vous avez aussi travaillé à la RTBF comme directeur des programmes, à la radio-télévision belge francophone. Donc quand j'ai vu 64 minutes, moi je me suis dit c'est son côté belge qui ressort. Parce que 64 minutes, pourquoi 64? Il y a le côté du surréalisme belge, mais dans la première acception du terme. Et puis surtout c'est long de nos jours. Donc vous avez l'esprit rock pour vous lancer dans ce genre de projet? Ben, c'est long parce que la francophonie c'est beaucoup de choses et que c'est le journal de référence effectivement de la francophonie qui est fabriquée par notre rédaction avec la rédaction de France 2, de France 3, de la RTBF, de la RTS Suisse et de Radio-Canada. Donc il y a de quoi remplir. Il y a largement de quoi remplir. La francophonie, c'est 80 pays hein, aujourd'hui dans le monde. Et puis on parle évidemment de la francophonie, mais de l'international. En général, alors c'est un journal qu'on a voulu long parce qu'il a beaucoup de séquences. Il y a la séquence de l'invité de Patrick Simonin, il y a le journal de l'économie, il y a un journal de la culture quotidien de 8 minutes. Il y a des invités, un grand angle, une francophone, etc. Donc c'est voilà. Rythmé et varié, faut pas s'effrayer de la longueur du tout. Alors... Non, et alors justement, on peut le consommer, je peux même vous répondre pourquoi 64 minutes. Ah, C'est une bonne question, en fait, parce que le journal fait une heure, et de 18h à 19h, donc heure de Paris, et ensuite on refait des titres, et l'essentiel du 64 minutes, c'est-à-dire le best-of que vous pouvez consommer uniquement sur Twitter, voilà. Sur les réseaux donc, sociaux. Il y a 60 minutes, mais qu'on peut résumer voilà. En 4 minutes, c'est exactement. Ça la conclusion. Par exemple, pour répondre à la question « Mais qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est con ?» Eh ben voilà. Vous pouvez le savoir en 4 minutes. C'est comme les chroniques de Manoukian, il y a 64 minutes, on peut facilement les résumer. Est-ce que vous devez veiller à un équilibre? C'est-à-dire que vous avez les pays partenaires, évidemment il y a la Suisse, il y a... Le Canada. La Fédération Wallonie-Bruxelles, voilà. Le Québec et la France. Voilà. Et il y a aussi, évidemment, cet empire francophone à travers la planète. Donc, est-ce que vous veillez, est-ce qu'il y a une espèce de CSA qui peut avoir sur vous une emprise ou il y a une forme de programme libéral qui fait que ça s'autorégule et on équilibre les sujets en fonction alors, des pays et des... Alors, c'est pas un CSA, c'est simplement hein, les ministres des 5 pays qui sont nos bailleurs de fonds qui nous financent. J'ai juste, en fait, une règle, c'est que je dois diffuser chaque jour un journal des chaînes partenaires, donc le 20h de France 2, le 13h de la RTBF, le 19h30 de la RTS et le journal international de Radio-Canada. Et puis, je dois diffuser plus de 30% de programmes non français. Voilà. Mais sinon, le journal 64 minutes, tout ce, voilà, c'est en ah non, fonction ça, de l'actualité. Non, ça, c'est vraiment, c'est l'actu qui, c'est l'actu qui dicte, oui, bien sûr. C'est fou que le Québec soit dans la francophonie, tout de même. C'est juste de déstabilisant. Hein. Écoutez, ils sont très insistants. Hein. Oui, oui, oui. On va reparler de TV5 Monde, de ses programmes et notamment de l'Afrique avec Yves Bigot, directeur de TV5 Monde et avec toute l'équipe. Si tu écoutes, j'annule tout. Sur France Inter, avec un ancien programmateur musical, Yves Bigot, sur France Inter. Ah, j'étais pas prendre la musique. Western, quand les Indiens kidnappent la nouvelle femme du shérif. Oui, j'aime. Okay. Est-ce que tu aimes dans les westerns? indiens transforment la jeune blanche en une sublime squaw. Bon, alors, nous irons vivre libre dans un pays sauvage. Et nos armes seront l'amour et le courage. Mon ami, n'aie pas peur, je saurai te défendre. Et dans mon coup de botte, sonner les serpents à sonnette. Les serpents à sonnette. Sonner les serpents à sonnette. Je saurais te défendre. Et dans mon coup de botte, sonner les serpents à sonnette. Sonner les serpents à sonnette. Sonner les serpents à sonnette. Chanteuse, moqueuse, en fou de plaisir. Pour les cow-boys. Je sais plus. La la la la la la. Et Arthur H, ce qui nous fait Arthur H&M. Est-ce que tu aimes? Placement de sur produits. France Inter. Avec Yves Bigot, le directeur de TV5 Monde. Et autour de cette table, Alex Vizorek. Eh bien, dans l'ordre d'apparition, André Manoukian, Guillaume Meurice qui est allé à la neige en plein Paris. Oui. Et Thomas Bideguin qui est notre spécialiste storytelling et qui viendra donc décortiquer cela à 17h40 à peu près. En attendant, le journal que tout le monde attend, bien sûr. Ah, oui. Chez nous, c'est pas le 64 enfin. Minutes, c'est le presque 17h17. Attention. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Attentat de Paris, il s'avère que Jawad Ben Daoud a consciemment héberger les terroristes. Quoi ? Jawad savait. Apparemment, oui. Oh putain, choc. Ouais, je comprends. Allez, on passe au deuxième titre. Excusez-moi, je vais me remettre. Ouais. Rocco Siffredi l'a annoncé hier, il voudrait enseigner la sexualité dans les écoles. Marc Dutroux porte plainte pour plagiat. Il y aura encore des brèves, sinon vous ne serviriez à rien, évidemment. C'est vrai. Commentaire, André Manoukian. Oui, non, c'était une bonne idée. Là. D'accord, mais on y vient. Moi, on y vient. Il y aura un exemple. C'était pas facile. Vous interviendrez comme spécialiste dans ce journal. Et on commence par cet attentat à Orléans qui aurait été déjoué selon Bernard Cazeneuve. Donc si je comprends bien, un attentat aurait eu lieu dans la ville fétiche de Jeanne d'Arc. Oui. Un attentat dont personne n'aurait entendu parler. Voilà. Même pas Jeanne d'Arc. C'est louche. Retour à présent sur les attentats de Paris. Oui, il s'avère donc que Jawad a hébergé les terroristes pour de l'argent, mais en connaissance de cause. Quelle surprise, mais vraiment, mais comment est-ce qu'ils s'en sont rendus compte ? Écoutez, ils ont passé enfin l'interview de Jawad au détecteur de mensonges. Ça donne ceci. Ouais, j'ai appris que c'était chez moi. C'est-à-dire ? Ben, j'ai appris que c'était chez moi et que les individus se retranchaient chez moi. J'étais pas au courant que c'était terroriste. Et comment vous expliquez que ces personnes-là se retrouvent chez vous? Bah, on m'a demandé de service, j'ai rendu service, monsieur. On m'a dit d'héberger deux personnes pendant trois jours et j'ai rendu service. Normalement, je sais pas d'où ils viennent. D'où... On le courrait, monsieur, si je savais, vous croyez que je les aurais hébergés? La machine n'a pas tenu. Passons à la politique. À oui. droite, les candidats à la primaire s'activent pour récolter des fonds. Oui, Nadine Morano dénonce un système de réseau qui favorise certains candidats. Oui, mais Nadine n'étant pas raciste, elle a un avantage, elle accepte les devises étrangères. Primaire à droite toujours. Oui, dans Rivarol, Jean-Marie Le Pen déclare Sarkozy est le meilleur candidat des Républicains. Encore un coup dur pour Nicolas Sarkozy. On change de camp. Oui, à lire sur lefigaro.fr ce titre, Anne Hidalgo se rêve en Martine Aubry de la gauche. Oula, ça veut dire qu'elle va bien faire chier tout le monde jusqu'à la fin de son mandat. Mais il fasse surtout une Martine Aubry de la gauche. Bah, il y en a déjà une et elle s'appelle même Martine Aubry. Ouais, et puis quand il y en a une, ça va, c'est quand il y en a plusieurs que des problèmes. Venons-en donc à cette nouvelle étonnante à propos de Rocco Siffredi. Effectivement, il souhaiterait enseigner la sexualité dans les écoles. Voilà, il trouve que le sexe est trop souvent tabou. Une initiative intéressante et qui pourrait donner à peu près ceci. Monsieur Rocco, c'est quoi cette bouteille de lait? Ma, c'est pas une bouteille de lait, c'est comme un gel pour l'érection. Monsieur Rocco, mais c'est quoi une érection? Ma, une érection, c'est comme l'aiguille d'une boussole qu'elle montre vers là où l'homme il veut aller. Mais monsieur, pourquoi ma maman elle mange la boussole alors? Ma, que la boussole elle est gonflable alors, sans doute elle souffle. Mais on appelle ça une fellation, monsieur Rocco, non? Ma, oui. Et la sodomie, vous savez ce que c'est? Ah, bah oui, c'est quand le papa, il aime tellement fort la maman qu'il n'ose pas la regarder dans les yeux, c'est... Ah, c'est ça! Et puis après, il l'en... C'est ça. Voilà, c'est toujours important d'apprendre aux jeunes des choses qu'ils maîtrisent mieux que vous. Et de bref, pour rattraper le coup. Oui, le diocèse de Bourges a créé un profil Twitter à la Vierge Marie. Ah, c'est donc la première fois qu'elle voit le petit oiseau. C'est ça. Et la dernière... Oh, c'est mignon, c'est super mignon. La dernière... Surtout après, merci, encule. On l'a pas dit, on a dit bien. Ah, la dernière, Rennes, un détenu s'échappe de prison et trouve du travail. Comme quoi, Bernard Tapie suscite déjà des vocations. Vous êtes sur France Inter et si toutefois demain nous sommes virés, on a avec nous le directeur de TV5 Monde, on pourra peut-être en tant que belge trouver un asile. Bah là il a pris une leçon d'info, hein, le gars il fait le choc. Hein. 64 minutes dans la face. Et nous on fait sympa. Il faudra tenir à ce rythme. C'est vrai, je sais pas si on va y arriver. En tout cas, on va aborder avec vous les amis le premier sujet. Puisque nous avons avec nous le grand gourou de TV5 Monde, parlons de Hollande l'Africain. Tiens, c'est le titre d'un livre qui vient de paraître de Christophe Boisbouvier de RFI. Et qui explique que l'aide au développement a baissé en Afrique, mais que le nouveau rayonnement de la France passe par la guerre. Le président a donc une vision moderne des choses. Développement, modernité, moi je veux bien, mais enfin... S'il n'y avait pas les Occidentaux... Hein, plaît-il? Eh bien, rien que le canal, plaît-il. S'il n'y avait pas les Français et les Anglais pour le tenir, hein, quand on voit le bordel que c'est dans la rue... Ah oui, hein, la sieste, les prières, le manger des boulettes, j'en sais rien, mais enfin, c'est pas clair. Hein, ah, vas-y, alors là, on y va, hein. Le rouya, hein, les bakchiches par-ci, les bakchiches par-là, et comment tu vas, et moi aussi. C'est pas possible ça. Faut réagir, mais là, faut se réveiller, quoi. Hein. Alors, les ânes partout, les djé là-bas, l'écriture illisible, il va falloir arrêter. Hein. Et ouais, mais on sera pas tout le temps là. On sera pas tout le temps là. Ça, je dirais de grandir. Ouais, c'est 117. C'est magnifique. C'est bon, hein, c'est bon. Alors, c'est une pleine page en Libération aujourd'hui sur le côté Hollande l'Africain et va en guerre. Vous êtes arrivé, Yves Bigot, à la tête de TV5 Monde l'année de l'intervention au Mali. Puis il y a eu la Centrafrique. D'ailleurs, la Centrafrique qui doit élire son président dimanche. Donc j'imagine que le journal Afrique de TV5 Monde, qui s'est élargi aussi, qui passe à 18 minutes, sera évidemment sur le coup. Vous comptez les minutes de tous les journaux du monde. Non, mais j'ai travaillé mon dossier. Oui, c'est bien qu'une chaîne passe journal Afrique qui le consacre plus de temps, vous savez, moi je trouve ça c'est bien. Alors est-ce que c'est délicat à gérer le versant africain des choses, c'est-à-dire que quand il y a une intervention militaire française, il y a TV5 Monde qui est la voix de la francophonie, mais aussi soupçonnée parfois d'être la voix de la France, à parfois des soucis pas. Non, ouais. Justement pas, c'est notre du point de vue africain parfois, oui, il y a eu des problèmes avec les émetteurs chez nous, très rarement, parce que notre multilatéralité, justement, et je pourrais vous renvoyer à la RDC, au Rwanda, au Burundi. Hein, cher ami belge, cher descendant de Léopold II. Hein, et bim. Eh bien, oui, voilà. Justement, notre multilatéralité nous, non pas nous protège, mais nous donne de la crédibilité, parce que on ne représente pas que la France, on ne représente pas que la Belgique, pas que le Canada, pas que la Suisse, etc. Et surtout, nous, on a un tropisme, puisque ça fait 32 ans maintenant que TV5 Monde existe, donc l'Afrique, on la connaît, on la pratique, et on sait notamment qu'on se positionne dans un monde qui est totalement post-colonial. Nous, on parle d'égal à égal avec les Africains. Et c'est mais ce il y a qu'ils un côté diplomate. Il doit y avoir un côté un peu diplomate chez vous en tant que directeur de TV5 ou pas? Vous savez, déjà, il a fallu que j'aille diriger la télévision belge. Hein, donc, si je ne suis pas diplomate. Alors, c'est vrai. Il faut expliquer pourquoi. Parce que, par exemple, au conseil d'administration de la RTBF, les partis, plusieurs partis sont représentés. Tous les partis. Donc il faut être consensuel, etc. Mais vous avez parfois affaire à un pays autocrate en Afrique, et il faut discuter, il faut être pragmatique, un peu comme Hollande en fait, qui est obligé de faire peut-être fi de droits de l'homme qui ne sont pas respectés dans un pays pour parler avec un dirigeant africain. Alors nous, on ne fait pas la guerre, hein, évidemment, c'est la première chose. Mais comme on considère les Africains comme des adultes et comme des égaux, notre position, c'est de toujours encourager toute initiative positive. C'est-à-dire que dès qu'un pays, et quel que soit son régime, hein, de toute façon, ce n'est pas nous qui allons aller faire changer les régimes africains, s'il prend une initiative qui va dans le sens de la démocratie, des droits de l'homme, des droits des femmes, pour les enfants, etc., on l'encourage. Voilà, c'est ça. Systématiquement, on va là. Ça ne veut pas dire qu'on ne critique pas, évidemment, les régimes pour ce qu'ils sont pour certains, mais dès qu'ils font quelque chose de positif, on l'encourage, on intervient comme ça. Et on aborde beaucoup les choses, évidemment, on parle de politique, on parle de toutes ces choses-là, de droits de l'homme, mais on parle aussi beaucoup de la culture. C'est-à-dire, moi, quand je vais à Abidjan, j'y étais encore la semaine dernière, alors avec Michel Drucker et Julie Gaillet, c'est une expédition. Parce qu'on organisait les trophées francophones du cinéma à Abidjan. Mais je vois autant Alpha Blondy que je vois Madame Ouattara, la première dame en l'occurrence, puisque le président lui était en vacances au sommet. Du moment qu'il est en prison. Non, il vient d'être réélu à 83%, il n'y a aucun risque. Pardon, il était à un sommet Chine-Afrique. Oui, au Maldives. J'y étais aussi, j'étais sur le yacht. Yves Bigot, directeur de TV5 Monde, qu'on passe à la friteuse aujourd'hui. Et si on reste en Afrique avec vous, André Manoukian? Moi, la maison Antoine, place Jourdan. Ah oui, c'est vrai, pour les frites, vous avez raison, c'est la bonne adresse à Bruxelles. Eh bien, merci Charline, quelle belle transition en effet. Nous restons... Avec une frite toujours. Nous restons en Afrique. Par la porte sans retour de la maison des esclaves de Gorée, cette petite île au large de Dakar, où on regroupait tous les esclaves avant de les expédier sur le continent américain. Par cette porte qui ouvre sur la mer et les requins sont partis, beaucoup d'hommes et de femmes qu'on prenait bien soin de séparer, mais aussi beaucoup de musique. La musique est la dernière chose dont se souvient un malade d'Alzheimer. La musique fut la seule chose qui survécut à l'éradication totale de la culture africaine, qui prit à peine deux générations pour ceux qui étaient en Amérique du Nord, contrairement à ceux d'Amérique du Sud qui ont gardé la culture Yoruba. Yoruba de tous les pays, unissez-vous. Hein. Mais je ne vais pas vous parler des Yoruba cette fois-ci, quelle tristesse. Mais on y connaît beaucoup de choses déjà en vrai. Non, je vais vous parler du lobby blues. Du Yoruba. C'est l'idée. La fraternité des joyeux Yoruba. Alors, le blues est né en Louisiane, sur les rives du Mississippi, de la rencontre d'esclaves en fuite et d'Indiens d'Amérique. On oublie toujours la contribution des Indiens, mais elle était importante. Les Indiens qui leur expliquaient comment fonctionnaient les esprits du coin. En gros, ils leur disaient, bon, vous savez pas trop, on va vous expliquer. Parce qu'ils voyaient bien qu'ils avaient la même religion animiste. Un des fondateurs du blues moderne fut un loser magnifique, comme il se doit, répondant au nom de Skip James. Skip James enregistra 26 chansons. Il a fait un seul enregistrement. Mais ces chansons vont marquer à jamais le monde du blues. Et grâce à quoi il enregistre ces 26 chansons? On est en 1931, grâce à quoi? Un radio crochet. Mais oui, Guillaume Meurice. Un petit déjà peu comme les merdes qu'on voit à la télé. C'est ça. J'ai t'en parlé des merdes qu'on voit à la télé, moi. Sauf que, pas de bol, on est dans les années 30 et c'est déjà la crise des nouvelles technologies, Yves Bigot. La musique s'écoute gratuitement grâce à un nouveau média. La radio. Ben voilà, ouais, la radio. Catastrophe. Il arrive au mauvais moment. Skip James, qui a touché en tout et pour tout pour cette séance $40 pour enregistrer ses chansons, devant les ventes décevantes de son album, préfère se retirer. Il aime trop la musique pour en faire un commerce. On n'entend plus parler de lui pendant 30 ans. Il faut attendre les années 60 pour que de jeunes rockers blancs, comprenant que le rock vient du blues, se lancent à sa recherche. Il avait repris la charge de pasteur de son père, mais c'est dans un hôpital où il se soigne d'un cancer qu'il le retrouve. Il l'encourage à rejouer, il accepte, il se produit au Newport Folk Festival et il amorce le blues revival américain des années 60. Il réenregistre alors ses chansons de 1931 avec un style quasiment inchangé. Sa dextérité rend ses admirateurs perplexes quand on pense au fait qu'il n'avait pas touché une guitare depuis 30 ans. Clapton reprend une de ses chansons et les royalties gagnées... I'm so glad. Exact. Oh là là, ouais. Ça rigole pas. Bigo. Aujourd'hui, si vous dites une connerie, c'est vrai qu'avec vous, c'est plus facile, Alex. Je suis bien content. Et enfin, les premiers sous qu'il va gagner, vont lui permettre de payer quoi ? Sa note d'hôpital et ses funérailles. Si c'est pas une belle histoire de blues. 30 ans plus tard, on est dans un village du Cameroun. Un petit garçon naît. Son nom, Blik Bassi. Son papa, fondateur du village, crée aussi l'église où, pour attirer les gens, toute la famille chante. Problème, papa s'engueule avec les curés des nombreuses confréries qui défilent. Les pentecôtistes, les adventistes, les catholiques, les protestants. Et à chaque fois, toute la famille se convertit, ce qui fait que le petit Blik Bassi sera baptisé 7 fois. Est-ce pour ça qu'on trouve autant de spiritualité dans son chant ? Lui, il avoue que ses nombreux baptêmes lui ont plutôt poussé vers l'animisme. Voilà, back to the roots. L'enfant est turbulent, son père l'envoie à la campagne travailler chez un oncle qui lui mène la vie rude. Une seule fois, il va voir le visage de cet homme dur s'adoucir. C'est quand un vieux monsieur passe, qui parcourt les villages avec sa guitare et ses chansons. Et le jeune Blik se dit, putain, le tonton, enfin il a un sourire, cet instrument est magique, c'est ça que je veux faire quand je serai grand. Rentré chez lui, il annonce, un jour je partirai dans tous les pays du monde grâce à la musique. Son père aussitôt fait venir un prêtre pour l'exorciser. Je te jure, on dirait mon histoire, c'est pour ça que je l'aime, ce gars. Il finit par quitter la maison, il monte un groupe qui va marcher au Cameroun, mais c'est du monde qu'il rêve. Il est un peu comme Yves Bigot, lui. Il est pour une audience mondiale. Le voilà en France, à Quentin, dans le Nord. Un soir d'hiver, son chauffage tombe en panne. Il se réfugie près de la cheminée, dans le salon. C'est un conte de Noël que je vous raconte. Il regarde les photos de ses héros sur le mur. Sa mère, Thomas Sankara, le leader panafricain tué par la CIA, Charlie Chaplin et Skip James. Et quand il voit Skip James, il se dit, mais lui, il a tellement plus souffert que moi, au fond. Il prend sa guitare et il commence à jouer. Il commence à faire des chansons les unes après les autres. Oui, il joue quand, d'ailleurs ? Ça y est, ça y est. Et grâce à lui, j'y étais juste, c'est con, on aurait pu faire plus court. C'est en regardant Skip James qui fait un truc et il va être le premier Africain à produire du blues chanté dans sa langue d'origine. Et il joue un moment ou pas? Et là, il va jouer tout de suite. Allez, mes frères, on écoute Blik Bassi tout de suite. Écoutez, c'est trop cool. Go La découverte de l'année d'André Manoukio. Il a attendu le 23 décembre pour nous la faire découvrir. Mais oui, voilà, le blues rentre à la maison, quoi. Vous vous rendez pas compte, après 400 ans, c'est beau, non? Oui, j'aimerais bien un jour rentrer dans ma maison, moi, Charline. Ah oui, à Chamonix, ouais, ça allez, vous êtes sur France Inter, si tu écoutes J'adule tout, avec Yves Bigot, le directeur de TV5 Monde, et aussi autour de la table... Thomas Bideguin, qui se prépare pour sa première chronique sur le storytelling, et Guillaume Meurice, qui, attention, va nous parler ski en plein Paris. J'espère que ça vous intéresse, la neige, le froid, Bigot. C'est le moment Meurice. Attention. Attention. Moi, je suis trapézien à l'origine, avant de devenir bruxellois. Ouais, mais ça, c'était par accident, c'est à Saint-Tropez que j'ai vécu. Ben oui, moi je vais vous parler sport d'hiver aujourd'hui et d'un événement qui a lieu en ce moment à Paris et qui s'appelle Charletti sur neige. Alors pour l'aspect Charletti, on est bon, parce que ça avait effectivement lieu à Charletti. Alors pour l'aspect neige, par contre, comment dire, c'est le stade du PUC. Ouais, exactement, oui, exactement. Vrai. J'ai joué. Voilà. Universitaire, moi aussi. Oui, vous êtes grand footballeur. D'accord, mais il n'y avait pas de neige, les gars. Ah, aujourd'hui, je suis désolé de vous décevoir. Il y en avait autant que de crédibilité dans Jawad et Bernard Tapie réunis. Mais bon, qu'à cela ne tienne, il n'y a pas de raison que les sports d'hiver soient réservés uniquement aux riches. L'événement est donc gratuit. On retrouve tous les codes de la montagne. Il y a un chalet qui vend des gaufres, des combinaisons fluo qui feraient passer la Gay Pride pour une soirée cul-cul-clan. Il y a également des guides de haute montagne. Enfin, de haute montagne. Il y a des guides. Il y a des gens. Qui assurent la protection de la population. Alors, à quel type de problèmes sont-ils confrontés? Un enfant qui tombe sur la tête en faisant de la luge. Voilà, la plupart du temps c'est ça. Après, il y a des gros accidents quand même. Des très très gros accidents, oui. On appelle une ambulance systématiquement, c'est très très grave. Puis une fois de temps en temps, mine de rien, un enfant peut se casser la jambe ou quoi, c'est arrivé l'an dernier. Ah, vous voyez, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les riches qui se pètent les tendons à Courchevel. Charletti sur neige, c'est aussi l'occasion de bien vous niquer pour pas cher, voire de fracasser la jambe de votre gamin gratos. C'est aussi ça la démocratisation des sports d'hiver. Et c'est aussi l'occasion de créer de l'emploi. Je pense notamment à emploi de faux yéti qui était sur place. D'ailleurs, j'aurais bien aimé voir l'annonce Pôle emploi, recherche faux yéti pour Charletti sur neige. Alors, on dit que les gens veulent pas bosser. Bah, je suis désolé, il y a quand même quelqu'un qui a répondu pour avoir le poste, avec certainement une lettre de motivation. Je pense réunir toutes les compétences pour être faux yéti. Je faisais peur aux gamins quand j'étais petit. J'ai autant de poils qu'André Manoukian. Engagé. Allez, engagé. Alors, arménien. Je dis faux yéti. Quand je l'ai vu, je faisais pas trop le malin. Le déguisement était tellement bien fait que j'ai même cru que c'était le vrai, je suis donc allé l'interroger. Le déguisement, il est vraiment réaliste, il est vraiment bien fait. Mais il est ultra réaliste. Oui, c'est vrai. Il y a 2-3 défauts de fabrication, mais ça se voit pas trop. Lesquels? Déjà, par rapport aux chaussures, c'est difficile à les enfiler. Ah oui, on voit vos chaussures quand même. Et le masque un peu, il est pas pratique. Ah oui, c'est vrai qu'on voit. On a du mal à respirer avec. Ah oui. On a du mal à respirer avec le masque de Yeti. Je crois qu'il va falloir changer de Yeti, les gars. Il était tout rouge sous son masque, troué, tout blanc. On aurait dit Brice Hortefeux avec de la coupe rose. Enfin oui, donc Brice Hortefeux tout court, quoi. Parce que oui, on va pas se mentir, il fait très chaud. Il fait très chaud à Paris. Et pour les sports d'hiver, c'est pas simple. Mais il y avait quand même une patinoire. Oh, la jolie patinoire. Elle est comment, la patinoire? C'est une patinoire synthétique. C'est des blocs synthétiques avec du lubrifiant à l'intérieur qui fait que quand les patins passent, ça libère du lubrifiant pour avoir une glisse proche de la glace. Quoi. Et du lubrifiant sous les rollers. Ouais. Voilà, donc pas de glace, mais une piste en plastoc avec du lubrifiant. Vous voyez, le réchauffement climatique, ça nous oblige à innover. Qui sait, peut-être à l'avenir, de l'eau en poudre pour le 400 mètres nage libre. Une course de montgolfière sous terre pour échapper à la pollution, on ne sait pas. Le génie humain est sans limite. Et particulièrement lorsqu'il s'agit de créer l'illusion d'une piste de ski. Mais évidemment, sans vraie neige, n'est-ce pas? Mais on a de la vraie neige. Ah. On la fabrique nous-mêmes. Ah oui. Mais c'est de la vraie neige. C'est de la vraie neige fabriquée. C'est de la vraie neige fabriquée. Voilà, de la vraie neige fabriquée. Ne pas confondre avec la fausse neige naturelle. Attention, vous comprenez? C'est pas clair. Non, c'est vrai que c'est pas clair. Alors attendez, pour que ça soit plus clair, je suis allé voir directement un des responsables du site pour parler donc de cette fameuse neige. La météo nous aide pas forcément aujourd'hui pour faire de la vraie neige du ciel, mais si vous regardez sur les pistes en soi, vous avez de la vraie neige, puisque en fait c'est pas de l'artificiel. On produit évidemment de la neige artificielle, hein, mais pas de la vraie neige ou de la neige artificielle? De la neige artificielle. Mais de la vraie neige artificielle. Mais de la vraie neige artificielle. De l'authentique fausse neige. Exactement. Voilà, donc en fait, pour résumer, à l'arrière des deux pistes, il y a deux énormes camions qui tournent à plein régime pour produire une poudre blanche dans des quantités qui feraient pâlir d'envie Frédéric Becbédé. Je suis donc allé voir celui qui gérait le dispositif pour en savoir plus. Deux grosses machines ici qui sont, on va dire, des gros frigos qui fabriquent de très gros glaçons, qui est surraboté encore pour devenir une sorte de neige et qui est propulsé dans des tuyaux à très haute pression et qui sont envoyés sur la piste. Donc du coup, ça accentue pas le réchauffement climatique? No comment. Voilà, no comment. On ne fera évidemment pas de commentaires sur le fait que, comme l'homme a foutu en l'air son environnement naturel, il est obligé de le recréer artificiellement, et ceci donc en polluant encore plus. C'est ça le véritable génie humain. Quand l'homme ne se massacre pas dans des guerres, il crée des conditions de son extinction. Tout est finalement histoire de canon, qu'il soit chargé avec des munitions ou simplement à neige. Merci Guillaume Meurice. Ça va, on s'éclate bien au boulot, non? Ça va, bien. Ouais, j'ai fait de la luge. Ouais, voilà. Vous êtes sur France Inter, en compagnie de Yves Bigot. On va aborder le deuxième sujet en lisant ce matin un article dans Jeune Afrique, tiens, sur le premier long métrage d'une jeune réalisatrice tunisienne qui s'appelle Leila Bouzid. Elle parle de rock dans son film sous le régime oppresseur de Ben Ali et sous une présence islamiste. Alors le rock n'est-il jamais aussi rock que quand on cherche à l'étouffer? Parce que quand tout va bien en France, on n'a pas des gros résultats, non? Salut les tapettes! Mais c'est l'embrouille, Didier l'embrouille! Là, je suis allé casser leur tête au Rolling Chardon. Ça a beau être l'été, ils sont toujours aussi cons, hein, bon. Ils jouent ce soir, à l'hippodrome de Longchamp. Or, j'avais exigé que ce soit Dick qui joue en première partie. Zob, ils ont mis bon vomi à la place. Et du coup, je me faufile dans la loge de l'autre, là, avec les lèvres à la Emmanuel Béard. Et comment il s'appelle, la Mick GG, hein? J'arrive, là, en train de se maquiller. Il faut qu'un peu, hein, à la truelle. Au pistolet qui se peinturlure la tente, là. J'y dis, c'est ta tenue de scène, le rimel, ou comme t'es près du bois, t'as prévu d'aller tapiner un coup avant de chanter? Didier Lambrouille, alias Antoine de Caune. Alors, le film de Leila Bouzid s'appelle « À peine j'ouvre les yeux ». Ça se passe à la fin du régime Ben Ali. Farah a 18 ans, elle est chanteuse au sein d'un groupe jouant une sorte de hard rock oriental engagé, subversif, et ça se finit en interrogatoire musclé devant la police politique. Ça rappelle un petit peu le thème aussi de rock de Casbah, de Clash, donc c'est-à-dire sous l'ayatollah Khomeini, le rock dans un village et l'oppression. Alors, je me suis posé cette question, je me suis dit: en France, l'état d'urgence, toute proportion gardée, est-ce que ça ne peut pas être un terreau pour faire éclore un rock français davantage engagé, voire un poil anard? Alors, il serait temps. C'est clair. Je vous rappelle la citation sans doute apocryphe de John Lennon qui avait dit: le rock français, c'est comme le vin anglais. Hein, c'est-à-dire hein. C'est ça. Ah oui, c'est un oxymore. Ouais. Alors, Leila Bouzid, elle est invitée de Patrick Simonin sur TV5 Monde à 18h50. Ah, vous voyez, bah donc voilà. Nous, on est sur le coup. Promo, mais paf. C'est vrai qu'on voit, il y a des groupes de métal en Algérie qui se développent, etc. Donc, on voit bien que, au Maghreb, en général, le rock, finalement, comme l'humour et comme le rap, hein, par ailleurs, c'est un peu là que se trouve, en fait, la contestation qui n'est pas directement politique, puisque c'est difficile d'être dans des oppositions politiques officielles dans ces pays, et du coup ça se retrouve dans la marge. Mais si on regarde un peu l'histoire en général, on voit bien que le rock, c'est quelque chose qui est rebelle par essence, qui peut être rebelle sans cause. Alors quand on dit évidemment rebelle sans cause, c'est pas sans cause, mais elle est métaphysique. À ce moment-là, c'est pas une cause qui est purement sociale. Mais quand on ajoute, on va dire, à la rébellion métaphysique que constitue le rock, hein, parce que c'est le moment de l'adolescence, de se trouver une identité, etc., puis de se construire contre, si on y rajoute des conditions sociales qui ont été celles, hein, aux États-Unis, notamment des années 60, hein, qui sont celles qui construisent Dylan, John Baez et tout ce qu'il y a derrière. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été perdu au cours de l'euphorie des années 70, qui s'est transformé, alors avec la petite période d'inflammation punk à la fin des années 70 en Angleterre, là liée à des conditions économiques et sociales dues à la crise. Donc quand on va bien, on n'est pas rock. Après, dans les années 80, on a transformé ça dans une espèce de truc humanitaire. Ça a été les moments de Band-Aid, de la lutte contre l'apartheid, etc. Mais finalement, la question aujourd'hui, c'est effectivement, est-ce que le rock va se construire un discours qui va peut-être ressembler, puisque les conditions, d'une certaine façon, peuvent tourner bien pire qu'elles ne l'étaient dans les années 60, qui était une période de plein emploi, en tous les cas dans les pays occidentaux, et de rébellion qui venait aussi d'un niveau d'éducation inégalé dans l'histoire de l'humanité, pour toute la génération d'après la Deuxième Guerre mondiale. Avec cette question qui est posée, qui est inédite et qui est nouvelle depuis le Bataclan, c'est que avant on y risquait, et Lennon, Jim Morrison, John Baez, Phil Ox et beaucoup d'autres y ont laissé au moins leur carrière, c'est avéré maintenant, c'est plus la paranoïa de l'époque, la libération des carnets secrets du FBI, de la CIA montre qu'ils étaient suivis, ils étaient poursuivis, même Brigitte Bardot d'ailleurs, étaient poursuivis, pourchassés par le FBI, qu'ils étaient harcelés du coup et par les impôts et etc. Mais aujourd'hui on est passé à quelque chose de bien pire, c'est qu'on risque directement de se faire descendre. D'ailleurs, la question est posée de savoir si le meurtre de John Lennon est pas organisé par la CIA qui manipule, etc. Toutes ces questions ne sont pas réglées, mais jusqu'à présent, tout ce qui était considéré comme de la paranoïa, il a été démontré que c'était vrai et que c'était avéré. Mais maintenant, la question qui se pose vraiment, elle se pose pour les humoristes, elle se pose pour les groupes de rock, etc. Elle se pose pour les artistes un peu de manière générale. On voit même dans l'art contemporain, maintenant, les artistes sont menacés, y compris en France. C'est est-ce qu'on va réellement risquer, pas juste sa carrière, mais vraiment sa vie à travers son expression. Alors ça va rendre ça, je dirais, encore plus important et encore plus essentiel. Parce que ça veut dire qu'il faudra vraiment y aller, savoir pourquoi on y va, et pas par opportunisme. C'est-à-dire que tous ceux qui n'y croiront pas de manière viscérale, n'iront pas prendre le risque d'aller, je vais faire de la chanson contestataire, parce que c'est ça qui marche bien en ce moment, parce que ça sera trop dangereux. Donc ça peut avoir, je parle en termes purement de qualité d'expression et de qualité artistique, voilà, ça peut avoir des vertus. Après, être donc dans le djihadisme va faire monter la qualité du rock français. C'est important de le dire. Mais en tous les cas, l'engagement. Mais ça, on va dire, ça va trier. Quels sont les artistes qui auront le courage de s'exprimer et quels sont ceux, et on ne pourra pas leur en vouloir d'ailleurs, qui préféreront rester planqués et continuer à faire des chansons d'amour. Yves Bigot est avec nous et aussi Thomas Bideguin. Mais oui. Oui. Alors, le storytelling, c'est votre truc. Je voulais un petit peu parler du monde tel qu'on nous le raconte, tel qu'on nous le vend, de toutes ces petites histoires qui font les grands récits et qu'on nous sert comme si on n'était jamais allé au cinéma. Donc voilà, la figure narrative du moment, en tout cas celle dont j'ai décidé de parler, c'est le comeback. En français, on dit le retour. C'est un peu comme en juillet quand on demande ce qu'il y a à la télé, le tour. Et demain, le retour. C'est donc quelque chose qu'on a déjà vu et qui revient. Le comeback, comme son nom l'indique, ou ne l'indique pas d'ailleurs, c'est vraiment une spécialité française. Analysons l'expression. Déjà, il y a « comme », qui fait référence à l'argent qu'on pourrait gagner. Comme dans l'expression « dis donc, t'as touché ta com ». Et puis, il y a « bac », qui fait référence aux notes moyennes qu'on a eues au bac. Parce qu'un vrai comeback réussi, ça se fait avec les tripes, pas avec la tête. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous le raconte. Un jour, on s'est dit, avec nos tripes, et si on reformait le groupe Téléphone ? Alors, on a remasterisé tous nos albums pour les mettre sur iTunes avec nos tripes. Comme ça, on a fait une tournée et un disque live, et on a vendu des t-shirts et des porte-clés avec nos tripes. Parce qu'on est comme ça, on n'est pas dans le calcul, on est des déglingos. Surtout toi, le batteur. T'es complètement crazy. Oui, voilà. Le comeback, c'est réservé aux types qui en veulent. Toute la beauté du comeback réside dans le geste, dans la volonté déployée. Il paraît que tu dois rembourser 400 millions, c'est vrai ? Ben ouais. Tu vas faire quoi alors? Ben, un comeback. Alors, on fait une interview exclusive au JDD. On dit qu'on a des solutions pour vaincre le chômage, le FN, le réchauffement climatique, les embouteillages avenue de la République. On a des solutions, mais on ne dit pas lesquelles. Non, on les dira dans une autre interview exclusive, au Point ou à l'Express. Et c'est bien le diable si on n'arrive pas au passage à se faire un petit billet. Comme dans l'expression, dis donc, t'as touché ta com. Et donc voilà, le comeback, ça fonctionne bien parce que c'est narrativement très simple. Alors, comment ça marche? Bon, déjà, faut avoir fait un truc avant. Parce que sinon, bien sûr, c'est juste un com. Donc, il faut donc avoir suffisamment marqué les esprits, mais pas en être mort. Pas de comeback possible pour Janis Joplin ou les frères Kouachi. Par contre, pour Jérôme Cahuzac ou Pierre Péchin, tous les espoirs sont encore permis. Ensuite, si tu nous écoutes, encore. Ensuite, il faut être sorti de la circulation. Il faut avoir disparu des écrans radars. C'est pourquoi, en termes de storytelling, on parierait plus volontiers sur Jean-Pierre Chevènement que sur Nicolas Sarkozy, dont la retraite monacale a été de trop courte durée pour qu'on puisse réellement parler de comeback. Dans son cas, on serait plutôt dans une autre figure narrative qui est la revanche, sur laquelle on reviendra peut-être si jamais on me réinvite. Mais ça n'empêche pas nos champions du storytelling de vendre Sarkozy-Nicolas comme on vend Rocky Balboa. Je voulais pas y aller, mais quand j'ai vu l'état de la France, hein, je me suis dit, il y a que moi, la France est à terre, le 11e round, tout ça, nanana, nanana, on connaît la musique. On notera d'ailleurs, dans son discours, l'usage du mot France, qui est aisément remplaçable par le mot beat. Cette France que l'on doit continuellement redresser, cette France qui appartient aux chanceux qui se lèvent tôt. Oui, c'est vrai. C'est comme dans les chansons des Beatles, où on peut remplacer love par fuck. Comme dans Fuck Me Do, ou All You Need Is Fuck. Enfin, les exemples ne manquent pas. Donc voilà, le comeback en cette fin d'année est une passion française. Ailleurs, c'est différent. On vient d'assister, par exemple, en Espagne, voilà, avec la victoire de Colissimo, au renouvellement général de la classe politique. On en a les larmes aux yeux. Mais en France, on en est loin. En France, on en est au comeback. Peut-être parce qu'on aime nos vieux. Et qu'en célébrant Tapie, Sarkozy ou Louis Bertignac, c'est toute la teinture de cheveux bois noble qu'on célèbre. Peut-être simplement parce qu'on aime les blagues sur la prostate. Va savoir. Ou peut-être aussi parce que le comeback en temps de crise, c'est rassurant. Ce sont des têtes connues qui reviennent, comme une chanson qu'on aurait déjà fredonnée, comme une ancienne maîtresse qui vous enverrait soudain un sexto. Voilà. Donc l'actualité en est pleine, mais évidemment, notre revenant préféré, c'est le Père Noël, qui fait son comeback tous les ans, avant de repartir humblement pour disparaître à nouveau dans l'anonymat du boulevard Clichy. C'est beau, bravo. Merci Thomas Videguin. On demande votre comeback. Bravo Thomas Videguin. Yves Bigot, peut-être un mot sur le comeback de téléphone alors? Ben d'abord, c'est pas le comeback de téléphone, hein, c'est les insus. Oui, c'est vrai, c'est les insus. Voilà. Et puis après, tout le monde n'en est pas. Voilà. Après, il y a un truc, c'est André, évidemment, le sait. Je parle sous son contrôle. C'est un musicien, ça joue. On peut pas enlever à quelqu'un. La question se pose pour les Rolling Stones, pour tout le monde. Pourquoi ils font ça? Charles Aznavour. Ouais. Mais c'est pas pour l'argent. Les Rolling Stones, ils sont même pas capables de compter l'argent qu'ils ont tellement ils en ont. Tellement vous ils imaginez pas bien. Alors, non. Alors ça, détrompez-vous, parce que la blague est bonne, mais Mick Jagger, il a fait la London School of Economics, moi aussi, donc je peux vous en parler. Voilà. Il sait extrêmement bien compter, c'est lui qui négocie tous ses contrats à la sterling ou au dollar près, mais simplement... Donc c'est pas pour l'argent, vous nous expliquez ça, d'accord? Voilà, ben, un musicien, ça joue, un chanteur, ça chante, quelqu'un qui écrit, il écrit, et des gens comme Dylan ou Neil Young vous montrent qu'ils font encore en 2015 des albums qui sont au niveau de ceux qu'ils faisaient en 1965. Donc on ne peut pas aller chercher autre chose ou critiquer quelqu'un qui simplement fait ce qu'il aime faire. Et puis en plus, il n'y a rien de meilleur au monde. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre, qui soit encore excitant et encore intéressant? Quand vous montez sur scène, vous jouez la musique que vous aimez avec des amplis à fond, ça a physiquement une résonance. Je vous jure, Charline, physiquement, ça Et le feedback, et le feedback du public, et puis toutes les petites meufs qui vous attendent après. Et voilà. Ah voilà, on était là. Hugo, merci. Directeur de TV5 Monde, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Toujours rocker. Merci à tous. Je rappelle que le film de Thomas Bidegal et Cowboy est toujours en salle aussi. Allez le voir. Merci, merci les amis. Merci à tous. Évidemment, on se retrouve demain. Mais vous fêtez Noël. Un Noël en terrasse. Et on laisse le mot de la fin, l'honneur de notre invité, à la France-Afrique. Liberté, égalité, nique ta mère.